المنهج. Devoir numéro 1. Exercice phonétique numéro 1. 1. Tri. 2. Ho. 3. Va. 4. Di. 5. Ra. 6. Vi. 7. Ho. 8. Ha. 9. Si. 10. Oh.